Je voudrais maintenant que nous poursuivions notre révision de potere, qui, comme dovere et volere, est souvent suivi d'un infinitif. Ce sont les fameux verbes porte-manteau dont je vous parlais dans la méthode débutant. Ces verbes fonctionnent de la même manière en français. Commençons par la forme avec voi de potere. Elle s'emploie beaucoup en italien pour s'adresser à un groupe de personnes. Et elle est facile à former parce qu'elle vient directement de l'infinitif, potere. Alors, comment diriez-vous vous pouvez si vous vous adressez à un groupe de personnes? Voi? Potete. Potete, oui. Et donc, pouvez-vous venir avec moi? Se dira. Voi potete. Oui, mais vous n'avez pas besoin du voi dans la phrase. Moi, je vous le donne parfois pour bien faire la différence avec l'autre vous, celui du vouvoiement. Mais normalement, on emploie io, tu, voi, etc., que quand on veut insister sur le sujet ou qu'il y a un risque de confusion avec une autre personne. Alors, dites-moi, pouvez-vous venir avec moi? Potete Potete, oui, venir. venire Avec moi. con me? Potete venire con me? C'est ça. Demandez maintenant, pouvez-vous me le dire? Potete dirmelo? Potete dirmelo? Donc, si vous parlez à plusieurs personnes, c'est potete. Et si vous parlez à une seule personne que vous tutoyez, peux-tu me le dire? Qu'est-ce que ça donne? Potesti. Non. Ah, c'est puoi. Puoi avec un i à la fin. Oui, donc, peux-tu me le dire? Puoi dirmelo? Puoi dirmelo? C'est ça. Et si vous voyez votre interlocuteur? Puoi dirmelo? Puoi dirmelo? Bien. Au lieu de pouvez-vous ou peux-tu me le dire, on pourrait avoir pourrais-tu ou pourriez-vous me le dire. Comment traduiriez-vous par exemple pourrais-tu me dire où il est? Potresti dirmi dov'è? Potresti dirmi dov'è? Pourrais-tu me dire où il est? Et si vous voyez votre interlocuteur et que vous lui dites pourriez-vous me dire où il est? Potrebbe dirmi dov'è? Potrebbe dirmi dov'è? C'est ça. Potrebbe s'emploie beaucoup pour demander quelque chose poliment, comme pourriez-vous en français. Toujours avec le verbe pouvoir, potere, comment diriez-vous je le savais, mais je ne pouvais pas le dire? Lo sapevo, Mais je ne pouvais pas le dire. ma non potevo dirlo. Voilà, c'est ça. Je le savais, lo sapevo, mais je ne pouvais pas le dire. Ma non potevo dirlo. Ou ma non lo potevo dire. Les deux sont possibles. Supposons que vous vouliez parler d'un point précis dans le passé. Au lieu de je ne pouvais pas le dire, non lo potevo dire, vous direz je n'ai pas pu le dire. Non l'ho potuto dire. Non lo potuto dire. Très bien. Vous pouvez dire aussi non ho potuto dirlo. Si vous remontez dans le passé, vous direz je n'avais pas pu le dire, n'est-ce pas? Comment diriez-vous ça? Je n'avais pas pu le dire. D'abord, comment dit-on j'avais? Avevo. Oui. Alors, je n'avais pas pu le dire. Non avevo potuto dirlo. Non avevo potuto dirlo. Tout à fait. Ou encore, non l'avevo potuto dire. On peut dire aussi non lo avevo potuto dire. Mais c'est plus courant de faire la contraction. Non l'avevo potuto dire, simplement parce que c'est plus facile à prononcer. Et maintenant, imaginez que vous vouliez dire « J'aurais pu vous dire où il était ». En commençant par « j'aurais pu » et tout d'abord par « j'aurais ». Comment dit-on « j'aurais » ? Potrei. Ne vous précipitez pas. Ne dites pas la première chose qui vous passe par la tête simplement parce qu'elle sonne bien. Réfléchissez et dites « j'aurais » au conditionnel. Avrei. Bien. Maintenant, prenez votre temps et allez-y par étapes. La première étape, c'est « j'aurais » qui se dit donc « avrei ». Avrei, oui. Maintenant, traduisez « pu ». Potuto. Voilà. Maintenant, on a « avrei potuto ». Et ensuite, il y a « vous dire ». « J'aurais pu vous dire ». Avrei potuto dirle. Voilà. Avrei potuto dirle. Tout à fait. J'aurais pu vous dire. Et maintenant, la phrase en entier. J'aurais pu vous dire où il était. Avrei potuto dirle dove. Attention, je n'ai pas dit où il est, mais où il était. Doveva. Comment dit-on j'étais? Ero. N'insistez pas sur la fin du mot. Ero. Ero, oui. Dovero. Ça c'est où j'étais. Je vous ai demandé où il était. Dovera. Dovera. Mm-hmm. Avrei potuto dirle dovera. J'aurais pu vous dire où il était. Alors, au risque de me répéter, prenez les choses étape par étape et réfléchissez. D'accord? Cette réflexion pourra parfois vous sembler longue. Vous vous impatienterez. Vous voudrez aller plus vite et puis vous direz quelque chose qui sonne bien à l'oreille. Même si ce quelque chose se trouve être correct, pour moi c'est incorrect parce que vous l'avez trouvé au hasard. Le temps que vous passez à réfléchir à votre phrase est très court, vraiment très court. Le temps c'est quelque chose de relatif. Ce qui vous semble long à vous ne l'est pas forcément pour les autres. Par conséquent, ne vous impatientez pas. Ne vous imaginez pas que la personne qui vous écoute s'impatiente elle aussi, parce que ce n'est pas le cas. Et si c'était le cas, si elle s'impatientait vraiment, alors vous n'auriez peut-être pas très envie de communiquer avec elle, que ce soit en italien ou dans une autre langue. Alors prenez votre temps.